Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission sur la troisième partie du cinéma fantastique, nous allons parler aujourd'hui du réalisme fantastique des années 60-70, du gore au slasher qui est le renouvellement du mythe de l'horreur, de l'anticipation et du post-apocalyptique, de la vogue de l'heroic fantasy et, si le temps nous le permet, des blockbusters et des remakes. Commençons tout de suite par le réalisme du fantastique des années 60-70. Dans le courant des années 70, en parallèle au gothique, se développe une autre forme de fantastique plus ancrée vers le réel et dans un contexte contemporain. Un film de 1936 annonçait déjà cette tendance. Il s'agit de « Le mort qui marche » de Michael Curtiz. Alfred Hitchcock tourne alors deux de ses plus grands films, « Psychose » sorti en 1960 et « Les oiseaux » sorti en 1963, film qui préfigure le cinéma catastrophe. Après le bal des vampires et Répulsion, Roman Polanski marque la filmographie du fantastique en 1968 avec Rosemary's Baby, film qui relance la thématique du diable et qui trouve son aboutissement avec le succès retentissant de L'Exorciste de William Friedkin, version de 1973 et de la série des films Malédiction. À la différence de films de diable des années 20 ou 40, qui adaptaient plus ou moins librement le mythe de Faust, les films des années 60 et 70 s'articulent autour du thème de la possession. Disciple de Mario Bava et influencé par l'expressionnisme, Dario Argento est un des principaux représentants du giallo, qui est un style italien à la frontière du cinéma policier, du cinéma d'horreur et de l'érotisme, avec des films misant sur l'angoisse et la mort. Ses deux plus célèbres réalisations dans le fantastique pur sont Suspiria, sorti en 1977, et Inferno, sorti en 1980, où son style se singularise par ses gros plans et le choix de couleurs vives. Deux jeunes réalisateurs américains se font connaître en réalisant des films où le fantastique et réel se côtoient. Steven Spielberg avec Duel, qui est l'histoire d'un conducteur poursuivi par un camion meurtrier, et Brian De Palma avec Sœur de sang, film qui aborde le fantastique psychologique sur le thème du dédoublement de la personnalité. Passons maintenant à la seconde partie de cette chronique qui s'attardera sur les thèmes du gore et du slasher qui constituent un véritable renouvellement des mythes de l'horreur. Le genre de cinéma gore va marquer une rupture dans le cinéma d'horreur des années 70 à 80. Les premiers films gore sont réalisés par Herschel Gordon Lewis avec Orgie sanglante en 1963 et 2000 maniaques l'année suivante. Ces films à petit budget, à cause de l'extrême violence et de la crudité des scènes sanglantes, sont tout d'abord censurés, voire interdits. C'est en 68, avec la fin du code de censure aux États-Unis, que le genre peut s'épanouir. Un film qui fait date dans l'histoire du cinéma fantastique est La nuit des morts vivants de George A. Romero. Dans ce film, Romero introduit un nouveau type de monstre désigné communément sous le terme de zombie. Non pas une personne rendue à l'état d'esclave par rite vaudou, comme les films des années 30 et 40 les présentaient, mais un mort-vivant, plus ou moins décomposé, rendu à la vie à la suite d'un virus ou d'une contamination d'origine inconnue. Le thème du retour des morts-vivants s'inscrit chez Romero comme une critique de la société américaine. Son deuxième film dans le genre, intitulé simplement « Zombie », sorti en 1978, où des personnes sont encerclées dans un centre commercial par des morts-vivants, se présente comme une dénonciation de la société de consommation. Si le premier Romero utilisait encore quelques codes types du gothique comme l'obscurité ou encore le cimetière, dans les films suivants, l'originalité du genre va être en grande partie liée au traitement réaliste et quotidien des scènes d'horreur. Un autre sous-genre du film d'horreur va connaître un large succès. Il s'agit du slasher. Le slasher est un genre de film qui a comme sujet un tueur masqué et psychopathe, massacrant un groupe de personnes dans un lieu isolé et dont Hitchcock fut en quelque sorte le précurseur avec Psychose, film évoquant l'histoire d'un serial killer atteint de dédoublement de la personnalité. En 1974, le film de Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse, installe les codes du genre reliés par John Carpenter avec Halloween et par Sean S. Cunningham avec Vendredi 13. Si avec ces films, le registre du fantastique est ambigu en présentant des situations plausibles et rationnelles, ces situations sont également assimilées à l'expression de la folie et de l'insensé. Les Griffes de la Nuit de Wes Craven recentrent le genre dans le domaine du fantastique en inventant un nouveau personnage emblématique du film d'horreur, Renaissance du Croque-Mitaine. Je parle bien sûr de Freddy Krueger, qui perpètre ses meurtres en hantant les rêves de ses victimes. Passons maintenant à la prochaine partie de cette chronique, voulez-vous ? Il s'agit de l'anticipation et du post-apocalyptique. À la fin des années 60, dans la lignée du réalisme fantastique, dont le film d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux, est l'une des principales influences, et dans le contexte de la guerre du Vietnam, des films à thème post-apocalyptique se développent. Ils abordent notamment les conséquences de différents scénarios de fin du monde, pouvant être d'origine nucléaire, climatique ou provoquée par un virus. Le thème cohabite avec la science-fiction et le film catastrophe. Le film qui popularise ce thème en 68 est une adaptation d'un roman d'anticipation de Pierre Boulle intitulé La planète des singes, réalisé par Franklin J. Schaffner. Le succès retentissant de ce film est en grande partie dû au réalisme des maquillages de John Chambers et des costumes. A noter que dans ce film, il n'y avait pas ou peu d'effets spéciaux. Les personnages de ce film, les singes, étaient de véritables personnes maquillées et costumées. Ce film et son succès va amener son acteur principal, Charlton Heston, à tourner deux autres films post-apocalyptiques. Le Survivant, sorti en 1971, et Soleil Vert, sorti en 1973. Le thème post-apocalyptique se décline alors en plusieurs variations. John Carpenter, avec New York 1997, montre les conséquences de la surpopulation criminelle transformant la ville de New York en prison. Saul Bass, avec Phase 4, montre des insectes doués d'intelligence et menaçant l'humanité. En dehors du cinéma américain, le thème post-apocalyptique inspire également le cinéma australien avec la populaire série des Mad Max qui lance la carrière de Mel Gibson en justicier évoluant dans un monde futuriste ultra-violent. En Europe, le cinéaste allemand Peter Fleischmann réalise La maladie de Hambourg, montrant les ravages d'une mystérieuse épidémie sur une ville d'Allemagne et ensuite sur le reste de la planète. En France, Luc Besson s'inspire en grande partie de Mad Max pour son film Le Dernier Combat. C'est maintenant l'heure d'aborder une nouvelle partie de cette nouvelle chronique sur la vogue de l'heroic fantasy. Dans les années 80, le succès de Conan le Barbare lance la vogue du cinéma de l'heroic fantasy. L'heroic fantasy étant à la base un genre littéraire qui présente un récit héroïque dans le cadre d'un monde merveilleux. Aujourd'hui, le genre s'est décliné comme un sous-genre de la fantasy qui a pour caractéristique de centrer son intrigue sur un, deux, voire trois héros principaux et non pas sur un groupe de personnages comme le fait la high fantasy. Comme je l'ai dit, le genre prend son inspiration dans la littérature à travers les romans de Edgar Rice Burroughs et ceux du créateur de Conan et inventeur du genre Robert E. Howard. Le film de George Milius est fidèle à l'univers d'Howard et se distingue par ses effets spéciaux réalisés par Carlo Rambaldi et ses scènes de combat spectaculaires et révèle comme acteur Arnold Schwarzenegger. Il donne deux suites attestant du succès du genre. Conan le Destructeur, sorti en 1984, et Kalidor, sorti en 1985. Ces deux films étant toujours avec Arnold Schwarzenegger. Le mode de l'heroic fantasy, durant cette décennie, va être à l'origine d'une importante production d'environ une cinquantaine de films, autant américains qu'italiens. Se démarquent dans ce style Dar l'Invincible, Yor le Chasseur du Futur, et Lady Hawk, la Femme de la Nuit. Passons maintenant à la dernière partie de la chronique d'aujourd'hui avec les blockbusters et les remakes. Aux États-Unis, la période qui va de la moitié des années 70, date du succès de L'Exorciste, à la première moitié des années 90, voit la domination d'un cinéma fantastique à un grand spectacle, à l'initiative et le financement des grands studios hollywoodiens. Pour des studios comme la Fox ou la Warner, le genre n'est plus l'exclusivité de la seule série B. Le potentiel commercial les amène à mettre en jeu un budget conséquent et à faire appel à des têtes d'affiche et des auteurs en vue. Plusieurs grands succès de Hollywood, produits à cette période, sont réalisés par une nouvelle génération de réalisateurs qui ont commencé à se faire connaître au début des années 70. Ce sont Steven Spielberg, George Lucas, Brian De Palma, le Canadien David Cronenberg, les Britanniques Ridley Scott et son frère Tony, Joe Dante, John Landis, David Lynch, James Cameron et Tim Burton. Les succès internationaux des Dents de la Mer de Spielberg et des Star Wars de Lucas, qui lancent le genre du space opéra, vont établir durablement la domination des États-Unis dans le genre du fantastique, dû notamment à la multiplicité d'effets spéciaux de plus en plus sophistiqués. Plusieurs des succès de cette période mélangent le fantastique et la comédie, dans lesquels nous pouvons citer SOS Fantômes d'Ivan Reitman et Beetlejuice de Tim Burton sur les thèmes des fantômes pour ces deux films et des monstres envahisseurs du film Gremlins de Joe Dante. La décennie voit aussi le retour des monstres classiques comme le loup-garou, le vampire et le monstre de Frankenstein et plusieurs remakes de grands classiques de l'horreur et de la science-fiction. Joe Dante et John Landis revisitent l'image du loup-garou avec Hurlement, sorti en 1981, et Le Loup-garou de Londres, sorti en 1981 également. En 1982, John Carpenter, avec The Thing, remake de La Chose d'une autre monde, sorti en 1951, renouvelle l'image de l'extraterrestre avec les effets spéciaux de Rob Bottin, tandis que Cronenberg réalise en 1986 La Mouche, remake horrifique de La Mouche Noire, sorti en 1958. Cronenberg fera d'ailleurs une apparition dans le film La Mouche, dans le rôle du gynécologue. Après les succès de Carrie au bal du diable de Palma en 76 et Shining de Stanley Kubrick en 80, Stephen King va devenir l'un des auteurs fantastiques les plus adaptés au cinéma. Les principaux réalisateurs du fantastique, Cronenberg avec Dead Zone, Carpenter avec Christine, George R. Romero avec qui il collabore sur Creepshow et La Part des Ténèbres, contribuent à populariser l'écrivain. C'est ainsi que se termine cette quatrième partie sur le cinéma fantastique. Dans la cinquième partie, que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons de la nouvelle vague du fantastique au tournant des années 2000, de la thématique et des thèmes et d'autres thèmes tous aussi intéressants les uns que les autres. Comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de la Crissoire du cinéma sur notre page Facebook Radio Gamozo, en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Mirmont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.